L'aube se lève, le stream s'allume, Ray le ciel arrive, prête la plume, les viewers débarquent, l'énergie monte, un été en live, chaque jour compte. J'ouvre le life, le chat s'emballe, le son pulse, la vibe est royale. Chaque matin c'est la même danse, un moment vrai, une vraie chance. Pas d'artifice, juste du naturel, des sons qui frappent, un flow réel. Les viewers connectés, la famille s'unit, dans ce live on vit l'infini. Le chat s'enflamme, les rires fusent, le beat cogne, les soucis s'usent. Un flow brut, mais toujours sincère avec mes viewers. Rien n'est éphémère, on construit, on clash, on partage. Le live est roi, c'est notre image. Les heures passent, l'énergie reste. Dans ce moment, on fait la fête. Chaque note frappe, chaque mot claque. Le stream est chaud, la vibe attaque. On rit, on se clash, on s'encourage. Dans ce live, on tourne la page. Les viewers présents, la famille soudée, unis par le son, toujours motivés. Le son monte, le flow s'emballe. Rider skill mène, la fête est totale. Un moment calme, une respiration. Le live s'apaise, pose l'attention. Mais l'énergie revient et nous porte. Rider skill et sa team, la vraie escorte.